20,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. We'll fight to stay alive. Your body just won't do it. For no mere mortal can resist my parents' favorite music. C'est fou, 89 ans. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Mathieu Plante Show, et comme l'émission de cette semaine a été plutôt courte, je vous offre seulement pour les auditeurs de la rediffusion quelques extraits de Smooth McGroove Remix Volume 2. On a écouté quelques pièces dans les dernières semaines, on avait écouté ça dans le désordre, il nous en restait encore quelques-unes à vous présenter, donc je profite de cette occasion pour le faire. C'est de l'EDM, donc de la musique électronique, mélangée avec de l'acapella. L'artiste YouTube Smooth McGroove qui fait des chansons de jeux vidéo mais les reprend acapella, et là on a remixé ça dans Smooth McGroove Remix Volume 2. Donc dans le premier bloc, on écoutera plus tard une pièce de Castlevania et de Super Mario 64, mais pour l'instant de Undertale, ce sera Bone Trussel, Game Chops, VOIA et Smooth McGroove. Tout de suite au Mathieu Plante Show. We'll be right back. écoute toujours Smooth Me Groove Remixed Volume 2. Et on continue avec un autre bloc. Plus tard, il y aura Dark Souls 3 ainsi que Legend of Zelda Link to the Past. Mais on débute avec Undertale, la chanson Might Fight Sans par DJ Cotman et Smooth Me Groove. c'était Overworld, Light World de Legend of Zelda Link to the Past par Smooth McGroove et VGR, précédé de Abyss Watchers de Dark Souls 3 par Smooth McGroove et Jolo. Et on a débuté avec Might Fight Sans de Undertale par DJ Cotman et Smooth McGroove. On écoute Smooth McGroove Remix de Volume 2, Volume 2 au Mathieu Plancho. Il nous reste une dernière pièce par Ralphington, oui, et Smooth McGroove. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la compilation Smooth McGroove Remix de Volume 2 sur assemblagerequis.com. About what we're doing here.